إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 11e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Chapitre sur l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un lieu où on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous apporter cette précision en complément du chapitre précédent sur l'interdiction du sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce chapitre, il va nous montrer que la législation islamique est venue pour interdire le polythéisme, mais également pour interdire les voies menant au polythéisme. Car le fait de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un lieu où l'on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci peut mener avec le temps à sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a spécifié ici le sacrifice, car, comme vous allez le voir, c'est ce qui est venu explicitement dans le hadith qu'il a mentionné. Mais en réalité, le jugement est plus large que cela et englobe de manière générale les adorations. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où l'on adore autre que lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tous les moyens pouvant mener au polythéisme. À titre d'exemple, il a interdit la prière en direction des tombes, même si le prieur n'accomplit cette prière que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de prier en direction de la tombe. De la même manière, il a interdit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes, même si celui qui invoque n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les cimetières, ce ne sont pas des lieux qui conviennent pour vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci peut être une voie menant au polythéisme. Donc tout lieu ou tout moment qui a été pris par les polythéistes pour pratiquer leurs adorations, qu'ils vouent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est interdit aux musulmans de s'associer à eux en cela, c'est-à-dire en allant dans ce lieu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors en choisissant ce moment, ce jour, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme eux le font pour leur divinité ou autre. Et ce, comme on a dit, afin de couper toutes les voies menant au polythéisme et également toutes les voies menant à l'assimilation aux polythéistes. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc mentionné dans ce chapitre un verset et un hadith. Le premier verset qu'il a mentionné, c'est une partie du verset 108 de Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La taqum fihi abada » « Ne te tiens jamais debout dedans » c'est-à-dire dans la mosquée appelée mosquée d'Ad-Dirar, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et l'histoire de cette mosquée, c'est qu'un homme appelé Abu Amir al-Fasiq, Abu Amir, le pervers. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé ainsi. Donc cet homme, il était connu pour avoir lu les livres précédents durant la Jahiliya, durant la période qui a précédé l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, Abu Amir a mécru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'a détesté. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce surnom, Abu Amir al-Fasiq, le pervers. Celui qui est sorti de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et a mécru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-ci, il s'est rendu vers le Sham et il essayait de remonter les chrétiens contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors pris contact en écrivant à un groupe d'hypocrites à Médine et leur ordonnant de construire un lieu dans lequel ils se réuniraient et se consulteraient. Et il voulait que ce lieu soit la base de réunion des ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. dans lequel ils se consulteraient et se réuniraient pour mener leur ruse contre l'islam. Toutefois, ils n'ont pas osé construire ce lieu de manière apparente. Alors, ils l'ont construit sous l'apparence d'une mosquée. Et ils ont dit qu'ils avaient construit une mosquée afin que puissent y prier les gens qui étaient faibles ou malades, notamment durant les nuits d'hiver ou durant les nuits pluvieuses. Et ils ont alors demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de venir prier dans ce lieu qu'ils ont construit sous l'apparence d'une mosquée. Et ce, afin de tromper les musulmans. Car si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venait prier dans ce lieu, alors c'était en quelque sorte une forme d'approbation pour ce lieu. Ils ont donc voulu ruser et tromper les musulmans en demandant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de venir y prier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait alors à la bataille de Tabouk. Il leur a dit qu'il allait voyager pour cette bataille, mais que lorsqu'il reviendrait, il irait prier dans ce lieu. Mais à son retour, alors qu'il s'approchait de Médine, la révélation lui est venue. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ces versets de Surat al-Tawbah, dans lesquels il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, « Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Cela, Allah atteste qu'ils mentent. » Et médite sur le fait qu'ils jurent ne vouloir que le bien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La taqum fihi abada. » Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. C'est-à-dire, ne prie jamais dans cet endroit. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. C'est-à-dire, dans la mosquée de Quba, celle qui depuis le premier jour a été fondée sur la piété. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé la ruse des hypocrites et de Abu Amir le pervers. Et il a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cet endroit. On voit donc à travers cela que les intentions ont une influence sur les lieux. C'est-à-dire que les mauvaises intentions dans la construction d'un lieu, elles ont une influence sur ce lieu et le rendent mauvais. De la même manière que les bonnes intentions, elles ont une influence sur le lieu en termes de bien et de bénédiction. Eux, ils ont construit cet endroit avec une mauvaise intention. Et ceci a une influence sur ce lieu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ensuite sa destruction et il a envoyé des compagnons radiyallahu ta'ala anhum afin de le brûler. Tandis que le lieu qui est construit avec une bonne intention, comme la mosquée de Quba, qui depuis le premier jour a été fondée sur la piété. Alors ceci est une source de bien et de bénédiction pour ce lieu. Également, on voit à travers cela l'importance de sans cesse réformer ses intentions. Par exemple, lorsque des personnes participent à la construction d'une mosquée, d'avoir une bonne intention en cela, que leur acte ne soit voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne recherchent par cela que la satisfaction et l'agrément de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. On voit également à travers ce verset que ce qui est pris en compte, ce sont les objectifs et les intentions, et non pas les apparences. Regardez ces hypocrites, ils avaient construit en apparence une mosquée. Mais leur objectif n'était pas que ce lieu soit un lieu dans lequel on se rend pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils avaient pour objectif de ruser et comploter contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de prier dans ce lieu. Donc, toute personne qui nous montre la vertu et la piété, ceci est accepté de lui en apparence, jusqu'à ce qu'on connaisse la réalité de ses objectifs et ses intentions. Donc ceci attire notre attention sur le fait de prendre garde à ceux qui rusent et ceux qui complotent. Que ce soit parmi les non-musulmans, ou même parmi les musulmans, parmi les différents groupes, des gens de l'innovation qui rusent contre l'islam authentique pour instaurer leurs égarements et leurs innovations. Il se peut qu'une personne montre de la piété en apparence. Il se peut qu'elle se montre comme quelqu'un faisant beaucoup de bien, comme le font nombre de gens de l'innovation à travers les associations humanitaires et caritatives. Et ils utilisent ce moyen-là pour propager leur mal et leurs innovations. En effet, il se peut qu'ils fassent certaines œuvres de bien, qu'ils construisent des puits, qu'ils nourrissent ou vêtissent des pauvres et des nécessiteux, et ainsi de suite parmi les œuvres qu'ils peuvent accomplir. Toutefois, Il faut prendre garde, car il se peut que leurs objectifs ne soient autres que de propager leur égarement et leurs innovations. Ils se font ainsi aimer des gens. Comment? Par le fait qu'ils montrent qu'ils accomplissent ces bonnes actions. Puis une fois acceptés et aimés par les musulmans, ils commencent à propager leur poison, propager leurs innovations, montrer qu'ils s'opposent à la voie authentique de l'islam, se moquer des gens de la sunna, les dénigrer, et ainsi de suite, parmi les transgressions qui sont commises par nombre de personnes de ce genre-là. Le musulman, il ne doit donc pas se laisser tromper par des apparences. Mais il doit regarder plus loin que cela. Regarder quels sont les objectifs. Qu'est-ce qui va découler de cela, même sur le long terme? Car nombreux sont ceux qui montrent le bien en apparence, mais qui en réalité cachent le mal pour l'islam et les musulmans. Enfin, on tire de ces versets le point le plus important ici, qui est celui pourquoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné, qui est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de prier dans un endroit qui avait été fait pour la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est donc une preuve qu'il est interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que l'on ne prie pas dans un endroit qui a été fait pour les péchés, la mécréance et le polythéisme. Car tout ceci rentre dans la généralité de ces versets. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith et il dit: Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu ta'ala anhu a dit: Un homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un lieu appelé Bouana. Il a alors interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea alors et lui dit: Se trouvait-il dans ce lieu une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Ils lui répondirent alors que non. Puis il dit: Célébraient-ils dans ce lieu une de leurs fêtes, c'est-à-dire une fête des polythéistes? Ils répondirent non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Accomplis ton vœu, car il n'y a pas d'accomplissement d'un vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que l'enfant d'Adam ne possède pas. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud d'une chaîne de transmission qui correspond aux conditions d'Al-Bukhari et Muslim. Rahimahum Allah ta'ala. Le vœu, an-nadr en arabe, c'est une sorte d'engagement. Lorsqu'une personne fait un vœu, c'est-à-dire qu'elle s'engage à accomplir une chose. Et dans la législation, il désigne le fait que la personne, responsable et douée de raison, s'engage et s'impose à elle-même une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas obligatoire à la base dans la législation. Comme par exemple une prière, un jour de jeûne, un pèlerinage, une umra, une aumône, ou autre que cela parmi les adorations. Et on va voir les détails à ce sujet dans le chapitre suivant, Inch'Allah ta'ala. Donc cet homme ici, il avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un lieu qui s'appelle Bouana, qui est un lieu qui se trouve entre la Mecque et Médine. Il a alors interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et regardé le bon comportement des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il ne fait pas la chose avant d'interroger. Et ceci est une preuve de l'obligation de revenir aux gens de science. Et que l'on ne doit pas mettre en pratique une chose parmi les adorations sans savoir si celle-ci est légiférée ou non. Ici, cet homme, il est revenu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de savoir s'il pouvait ou non accomplir son vœu. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé ces questions. Il lui a d'abord demandé, se trouvait-il dans ce lieu une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Et ce qui est visé par l'idole, el-wathan en arabe, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit une pierre, un arbre, une statue, une tombe ou toute autre chose. Tout ceci rentre dans la généralité du mot wathan, que l'on a traduit ici par idole. Ceci est donc plus large que as-sanam, qui désigne plus particulièrement la statue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande donc si durant la jahiliya, la période qui a précédé l'islam, il y avait une idole qui était adorée en ce lieu. C'est-à-dire qu'elle n'est plus présente, mais auparavant, les gens se rendaient dans ce lieu pour adorer une idole. Ils lui répondirent non, il n'y avait pas d'idole en ce lieu. Ceci nous prouve donc que s'il y avait eu une idole en ce lieu, qui était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'aurait pas été permis de se rendre dans ce lieu pour faire un sacrifice, même s'il est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'endroit où les idoles sont adorées, il est obligatoire de le délaisser. Ensuite, il lui posa une seconde question et lui dit, est-ce que dans ce lieu, ils célébraient une de leurs fêtes? Et le mot Eid en arabe, il désigne une chose qui revient et qui se répète. En ce qui concerne la fête qui est liée au temps, comme par exemple Eid al-Fitr, la fête de la rupture, la fête du sacrifice, c'est une chose qui se répète chaque année. Et le mot Eid, il peut être employé également pour un lieu, c'est-à-dire un lieu où les gens ont l'habitude de se rassembler pour l'adoration, et ceci de manière répétitive. Par exemple, en ce qui concerne les gens de l'islam, Arafat, Muzdalifa, Mina, ce sont des endroits de Eid pour les musulmans, car ce sont des endroits où ils se réunissent pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé au sujet de la présence d'une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui étaient adorées, et au sujet de la célébration d'une de leurs fêtes. Ceci nous prouve donc qu'il est interdit de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un lieu où l'on sacrifiait auparavant pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on ne le fait plus, même si les polythéistes ne se rendent plus dans ce lieu, car ceci peut être un moyen et une voie menant au polythéisme. Car cela pourrait mener les gens à restaurer, revivifier cela en sacrifiant pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, comme on a dit, il est interdit de prier auprès des tombes, d'invoquer auprès des tombes, car tout ceci, ce sont des moyens qui mènent au polythéisme, même si cette prière et ces invocations, elles sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir su que dans ce lieu, il n'y avait pas d'idole qui était adorée parmi les idoles de la Jahiliya, ni aucune de leurs célébrations, il lui dit alors, accomplis ton vœu. Et ceci est une preuve de l'obligation pour celui qui fait un vœu de l'accomplir si celui-ci est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir dans le chapitre suivant. Puis il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas d'accomplissement d'un vœu dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, si une personne fait un vœu, et que celui-ci comprend une désobéissance, alors il ne lui est pas permis de l'accomplir. Et entre dans cela si ce lieu était un lieu dans lequel une idole était adorée, ou dans lequel les polythéistes célébraient une de leurs fêtes. Alors dans ce cas-là, il aurait été interdit à cet homme d'accomplir son vœu. Ceci est donc une preuve claire de ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer dans ce chapitre, et qui est l'interdiction de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un lieu où l'on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cela n'a plus lieu aujourd'hui, même si c'était un lieu de polythéisme par le passé, on ne doit pas se rendre dans celui-ci pour sacrifier, même si ce sacrifice est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Reste une question ici sur laquelle nombre de personnes pourraient s'interroger, et qui est le fait que certains récits sont rapportés de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum, et qu'il est arrivé à certains de prier dans des églises. Comment réunit-on entre cela et l'interdiction qui nous est présentée dans ce chapitre à travers le verset de Sourate At-Tawbah et ce hadith que l'on vient de lire? Les gens de science ont dit que cela est différent, premièrement, car le fait de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala ou de sacrifier pour autre qu'Allah, en apparence, l'acte est le même. C'est-à-dire que ce qui va différer entre l'acte du musulman qui sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'acte du polythéiste qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? C'est l'intention. C'est ce qui se trouve dans leur cœur. Sinon, l'acte en lui-même, en apparence, c'est le même. Il va prendre un couteau, il va égorger cette bête pour la sacrifier. Et ce qui va différer, c'est l'intention qu'il y a dans leur cœur. Donc, si une personne se rend dans ce lieu, dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple auprès d'un mausolée, et dit « Je me rends dans ce lieu, moi, pour sacrifier pour Allah, je ne le fais pas pour ce mort », on lui dira alors « Ceci est interdit, car ceci pourrait porter à confusion. En te voyant, on ne va pas savoir si tu sacrifies pour Allah ou pour autre qu'Allah. Et ceci est donc une cause menant au polythéisme majeur et poussant les gens par la suite, à sacrifier pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que la prière, dans une église, comme cela a été fait par certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les gens de science ont dit que cela diffère Dans les actes et les mouvements, la prière du musulman, elle n'est pas semblable à la prière du chrétien. Lorsque l'on voit un musulman accomplir la prière, on n'a pas de doute, de par ses actes, qu'il est musulman. On ne va donc pas confondre son acte avec celui d'un polythéiste ou d'un mécréant. Reste à savoir quel est le jugement de la prière dans une église. On a vu que cela différait de ce que l'on vient de voir dans ce chapitre. Mais est-ce que cela est permis ou non? Les gens de science ont dit qu'en cas de besoin, par exemple, si le musulman ne trouve aucun autre endroit pour prier, et que le seul endroit où il peut prier, c'est une église, et que cet endroit est pur, et qu'il ne comporte pas de statues ou autres représentations humaines, alors dans ce cas-là, il est permis pour le musulman d'y prier. Comme on a dit, seulement en cas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, alors il n'y a aucune raison d'aller accomplir la prière dans ce lieu. Mais s'il y a un besoin, qu'il est contraint d'accomplir la prière dans ce lieu, que l'endroit est pur et qu'il ne s'y trouve aucune statue ou représentation humaine ou animale, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Mais s'il s'y trouve des statues, comme c'est le cas dans la majorité des églises, où ils ont certaines représentations, alors la majorité des gens de science ont dit que cela est détestable, qu'il est détestable de prier dans cet endroit. Et certains parmi eux, comme c'est le cas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, on dit que cela est interdit, qu'il n'est pas permis d'accomplir la prière dans une église où se trouvent ces représentations. Il est d'ailleurs rapporté de certains compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, qu'ils disaient, nous ne rentrons pas dans leurs églises dans lesquelles il y a des représentations. Et qu'en est-il des lieux de prière que l'on peut trouver dans certains aéroports ou certaines gares dans lesquelles prient des gens de différentes religions. La réponse est que le jugement est le même. Si cet endroit est pur, qu'il n'y a pas de représentation dans l'endroit où tu pries, et qu'il y a un besoin, que tu ne trouves pas d'autre endroit pour accomplir ta prière, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. On a donc terminé avec ce chapitre, et on a vu dans le verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité, que de la même manière qu'il n'est pas permis de prier dans un endroit qui a été fait pour la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors de la même manière, il n'est pas permis de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où l'on sacrifie pour autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans le hadith l'interdiction claire et explicite de cela. Étant donné qu'il nous reste encore un peu de temps, on va directement passer au chapitre suivant, inshallah ta'ala, qui concerne le vœu pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le 12e chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Il fait partie du polythéisme de faire un vœu pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. » On a vu que le vœu, c'est une forme d'engagement, et que dans la législation, il désigne le fait que la personne responsable, pubère et douée de raison, s'engage et s'impose à elle-même une adoration ou un acte d'obéissance qui n'est pas obligatoire à la base dans la législation. Ceci est la définition du vœu. Par exemple, une personne va dire « Je fais le vœu de jeûner cette semaine pour Allah lundi et jeudi. » Le jeûne du lundi et du jeudi, ils ne sont pas obligatoires à la base de la législation. Mais cette personne, elle fait le vœu de jeûner ces 2 jours-là. Alors le jeûne de ces 2 jours devient obligatoire pour elle. Et nombreux parmi les gens de science ont dit que le vœu à la base, il est préférable de le délaisser. Car la personne s'impose une difficulté. Et il se peut qu'elle s'impose une chose qu'elle ne sera pas capable d'accomplir par la suite. C'est pour cela qu'il est préférable, au départ, de ne pas faire le vœu. Et si tu as envie de jeûner le lundi et le jeudi, de prier la nuit, de faire des prières surérogatoires, de faire des aumônes surérogatoires, alors tu les fais autant que possible. Mais il est préférable de ne pas faire le vœu en te les imposant. Car si tu te les imposes, tu seras obligé de les accomplir. Celui qui fait le vœu de jeûner les lundis et les jeudis, celui qui fait le vœu de faire 11 unités de prière chaque nuit, celui qui fait le vœu de faire les rawatib, celui qui fait le vœu de donner chaque mois 100 € en aumône. Alors une fois qu'il a fait ce vœu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour lui d'accomplir ce vœu. C'est-à-dire que ses prières, ses jours de jeûne, ses aumônes, elles seront pour lui une obligation. S'il ne les fait pas, il sera dans le péché. Alors qu'avant de faire le vœu, il a le choix entre les faire ou les délaisser, car ceux-ci sont des œuvres qui sont surrogatoires, qui ne sont pas obligatoires à la base dans la législation. Et une fois que tu as fait le vœu, alors Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs qu'ils accomplissent leur vœu. Et ceci est une adoration, comme on va le voir à travers les versets et le hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité. Il a donc commencé par mentionner le verset 7 de Surat al-Insan, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadr, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs qui accomplissent leurs vœux. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fait un vœu, ils accomplissent ce dont ils ont fait le vœu. Et ceci nous prouve donc que le vœu est une forme d'adoration. En effet, on a vu la définition de l'adoration dans un cours précédent, et que c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Donc tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, cela fait partie des adorations. Donc ici, il fait les éloges de ses serviteurs qui accomplissent leurs vœux. Cela signifie donc qu'il aime de son serviteur qu'il accomplisse ses vœux. Et s'il aime cela, cela signifie que c'est une adoration. Donc si le fait d'accomplir son vœu est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de faire des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors commis du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. C'est donc pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans ce livre. Il attire notre attention en réalité, si vous méditez, sur nombre de formes de polythéisme qui sont présentes et courantes chez beaucoup de gens, même parmi ceux qui se revendiquent de la religion de l'islam. Alors qu'en réalité, cela relève du polythéisme majeur. Faire un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour les djinns, que ce soit pour les saints, les walis, que ce soit pour les vertueux, que ce soit pour les morts, pour les tombes, pour les mausolées, tout ceci entre dans l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du shirk, c'est du polythéisme majeur. Et cela est présent au sein de la communauté. Nombre de personnes font des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment pour les morts et les mausolées. Depuis que ces mausolées ont été construits, beaucoup de gens se dirigent vers eux, se dirigent vers ces tombes, en pensant qu'il y a de la bénédiction auprès de celles-ci, en pensant que ces mausolées peuvent leur être utiles ou les préserver d'un mal. Alors, ils font auprès de ceux-ci nombre d'adorations, et parmi ces adorations, le vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rend par exemple auprès d'un mausolée et dit: je fais le vœu que si je guéris de ma maladie, alors je sacrifierai ici un mouton, par exemple. Ou alors il fait le vœu, s'il n'arrive pas à avoir d'enfant, que s'il a un enfant, alors il sacrifiera pour le wali un bœuf, un chameau, un mouton ou autre. Et tout ceci fait partie du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Il faut prendre garde à certains prêcheurs à l'égarement parmi les soufis, qui pour tromper les gens vont dire: oui, mais cette tombe a été testée. Les gens qui viennent et font des vœux, alors, ils sont exaucés. Ils ont fait des vœux pour tel saint, auprès de tel mausolée. Celui-ci a été guéri, celle-ci a réussi à avoir des enfants, et ainsi de suite, parmi les choses qu'ils prétendent. Et ce, car il se peut qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent, comme on l'a mentionné dans le cours sur le sacrifice, afin de les éprouver. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les met à l'épreuve. Ou il se peut que leur demande coïncide avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété. Et eux, ils pensent qu'ils ont obtenu ce qu'ils recherchaient en raison de ce vœu qu'ils ont fait pour ce mort, ou pour cette tombe, ou pour ce wali, et ainsi de suite. Et le fait d'obtenir ce qu'ils recherchent, ceci ne prouve pas qu'ils ont fait un acte qui est permis et légiféré. Il est obligatoire pour les musulmans d'être attentifs à cela, car ceci est une ambiguïté qui est très répandue. Ils disent: cette tombe a été testée. Si l'homme vient et fait un vœu auprès de celle-ci, ou qu'il fait un sacrifice pour celle-ci, il obtiendra ce qu'il souhaite. Alors, beaucoup de gens parmi les ignorants, ceux qui ignorent la croyance du tawhid, ceux qui ignorent la réalité de la religion de l'islam, ceux qui ignorent le sens réel de la ilaha illallah, ils sont tombés dans cela. Et ils ont voué différentes sortes d'adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, le vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que le danger est un danger immense. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais nombre de personnes ont été trompées par ces prêcheurs à l'égarement, ces prêcheurs aux portes de l'enfer, parmi les mashayikhs des confréries soufis, notamment, car ceci est très répandu chez eux. Ils ont donc construit ces mausolées qui sont devenues des idoles adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquelles on voue différentes sortes d'adorations, comme les vœux, le sacrifice, la recherche de bénédiction, l'invocation, la prière et autres, parmi les adorations wal-iyadu billah. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre conscience de cela et de s'écarter de toute forme d'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer ses œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et entre dans cela l'adoration du vœu. Et les gens de science ont mentionné que le vœu, il se divise en deux catégories. Il y a le vœu d'obéissance et le vœu de désobéissance. Le vœu d'obéissance, c'est-à-dire que la personne, elle va faire le vœu d'accomplir un acte d'obéissance. Par exemple, d'accomplir, comme on a dit, le jeûne du lundi et du jeudi, d'accomplir une umra, de donner une aumône. Ceci est un vœu d'obéissance. Il s'impose et s'engage à accomplir une œuvre qui, à la base, n'est pas obligatoire. Mais une fois qu'il a fait ce vœu, alors ceci devient obligatoire pour lui. Et c'est pour cela, comme on a dit, qu'il est préférable de le délaisser et de ne pas s'imposer l'accomplissement de ses actes, mais de les faire avec désir, sans que ceci soit un engagement et une contrainte. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim, Rahimahullah ta'ala, ne faites pas de vœux, car le vœu ne vient pas avec du bien, et il ne fait qu'extirper les biens de l'avare. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sans le vœu, par exemple, il n'aurait pas fait d'aumône. Mais étant donné qu'il a fait le vœu, il est obligé de faire l'aumône. Il est donc préférable de faire cet acte surrogatoire sans te l'imposer. Si tu le souhaites, tu l'accomplis, et si tu ne le souhaites pas, tu le délaisses, car ceci n'est pas une obligation à la base. Donc pourquoi te rendre les choses compliquées et difficiles en te les imposant. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans son noble livre, verset 185 de Sourate al-Baqarah, Yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc en t'imposant d'accomplir un acte qui n'est pas obligatoire à la base, il se peut que tu t'imposes une difficulté car il se peut que cela soit difficile pour toi par la suite. Donc il est préférable de le délaisser. Mais si tu l'as fait, alors Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi que tu l'accomplisses. Et il est obligatoire pour toi de l'accomplir. Quant au vœu de désobéissance, c'est le fait qu'une personne fasse le vœu de commettre un péché. Il dit par exemple, Oh Allah, si tu me guéris de ma maladie, j'irai voler, j'irai boire de l'alcool, ou alors je délaisserai la prière, wal-iyadu billah. Il n'y a pas de doute que ceci est interdit et fait partie des péchés. Donc celui qui prononce une parole comme celle-ci, il n'y a pas de doute qu'il ne doit pas accomplir son vœu, comme on va le voir par la suite dans le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Quoi qu'il en soit, on voit dans ce verset que le vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme. Car le vœu est une adoration, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges et a complimenté ceux qui accomplissent leurs vœux. Donc si c'est une adoration, celui-ci est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit être voué à nul autre que lui. Et le fait de vouer le vœu à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam, walayadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 270 de Sourate al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Et tout ce que vous faites comme dépense, et tout ce que vous faites comme vœu, Allah le sait. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, et il vous rétribuera donc en fonction de cela. Il y a donc dans ce verset un encouragement à accomplir son vœu, une fois qu'on l'a fait, à l'accomplir. Et le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset car il nous prouve que le vœu est une adoration pour deux raisons. La première est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a joint ici le vœu aux dépenses, c'est-à-dire aux aumônes. Et il n'y a pas de doute que les dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une adoration. Ceci nous prouve que le vœu, de la même manière que les dépenses sur le sentier d'Allah, c'est aussi une adoration. Et si c'est une adoration, il ne doit donc être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose dans ce verset qui nous prouve que le vœu est une adoration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fa'inna Allah ya'lamu ». Allah le sait. Et ceci est un encouragement aux dépenses dans le sentier d'Allah et également un encouragement à accomplir ses vœux. Et ceci est une preuve de plus qu'accomplir son vœu est un acte d'obéissance. Et comme c'est un acte d'obéissance qui permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit alors être voué qu'à Allah. Et le voué autre que lui est une forme de polythéisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith. Il dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Aisha radiallahu ta'ala anha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Ce hadith, c'est une preuve claire et explicite que le vœu est un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est un acte d'obéissance, alors c'est une adoration. Et si c'est une adoration, alors le voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme majeur. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre, afin de nous démontrer que le vœu est une adoration et qu'il n'est pas permis de faire des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, celui qui fait le vœu d'accomplir une prière, d'accomplir un jour de jeûne, d'accomplir un pèlerinage ou une umrah surérogatoire, d'accomplir une aumône surérogatoire, ou autre que cela parmi les formes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour lui d'accomplir son vœu. Il a fait le vœu de prier 11 raka'a ce soir, alors il est obligatoire pour lui de prier 11 raka'a. Il a fait le vœu de jeûner demain, alors il est obligatoire pour lui de jeûner demain. Il a fait le vœu de donner 50 euros en aumône, il est obligatoire pour lui de donner 50 euros en aumône. Ceci devient une obligation à partir du moment où il a fait le vœu. Et ceci est une adoration. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Il a fait le vœu, par exemple, de ne plus rendre visite à ses proches, de ne plus visiter ses parents, de ne plus visiter son frère ou sa sœur. Il n'y a pas de doute que ceci sont des péchés. Il n'est pas permis pour le musulman de couper les liens de parenté. Donc, s'il fait le vœu de désobéir à Allah, il ne lui est pas permis d'accomplir son vœu. De la même manière, s'il fait le vœu de délaisser la prière, ou de consommer de l'alcool, ou autre chose parmi les péchés, dans cette situation également, il ne lui est pas permis d'accomplir son vœu. Car tout ceci sont des vœux de désobéissance. Que la désobéissance soit le délaissement d'une obligation ou le fait de commettre un péché. Tout ceci entre dans la généralité du vœu de désobéissance et ceci est interdit car il n'est pas permis pour le croyant de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tel est le cas, s'il n'est pas permis de faire un vœu de désobéissance, que dire de ceux qui commettent le plus grave des péchés en faisant des vœux pour les morts et les mausolées? Wallahu al-musta'an. Il n'y a pas de doute que ceci est la plus grave des désobéissances, de faire des vœux pour les tombes. Ceci est du shirk akbar, du polythéisme majeur. Celui qui fait cela, il sort de l'islam. Il n'est plus musulman. S'il meurt sur ce péché, il sera éternellement en enfer. Le paradis lui sera interdit. Il ne sera pas pardonné. Certaines personnes peuvent penser que, comme cela n'est que des mots, cela est sans gravité. Wallah, il se peut qu'une parole, elle te conduise au plus profond de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On a donc vu dans ce chapitre, à travers les deux versets et le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, que le vœu est une adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque son serviteur fait un vœu, si c'est un vœu d'obéissance, qu'il l'accomplisse. Donc à partir de là, on a la certitude que le vœu est une adoration. Et comme c'est une adoration, alors elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vouer à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est du polythéisme, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans le titre de ce chapitre. On a donc terminé pour aujourd'hui, et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, le chapitre suivant, qui concerne l'imploration de protection d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les preuves que ceci fait partie du polythéisme. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.